Je ne sais même plus comment te faire comprendre. Les mots qui me rongent et me font vivre l'enfer. Dans ma vie, il n'y a que toi. Et je te veux à jamais au plus près de moi. Car en vérité, c'est toi qui me quittes pour toutes les soirées. Et tu vas rejoindre je ne sais qui pour je ne sais quoi. Mais au fond de moi, je porte la vie, une partie de toi. Tu me dis, yes, tes absences me blessent. Qu'est-ce qu'il nous reste? Entends mon cri de détresse pour que notre enfant naisse. Mais de moi, tu te délaisses. Tu me dis, sache que tout cela m'oppresse. J'ai tant de tristesse. Je te lance un ultime souhait. Je suis déçue de la façon dont se passent les choses. C'est sans issue. Tu réfutes tout ce que je te propose. Désire que tu sois plus présent à mes côtés. Je ne veux pas de tes présents. Juste écouter, ce serait déjà à mes yeux un grand pas. Si tu me disais que tu assumais ton rôle de papa. Je suis prête à tout effacer ce que tu m'as fait subir. Si tu me promets la fidélité de ne plus mentir. Tu me délaisses, tes absences me blessent. Qu'est-ce qu'il nous reste? Entends mon cri de détresse pour que notre enfant naisse. Mais de moi tu te délaisses. Tu me délaisses pour tes maîtresses. Et moi j'en laisse. Sache que tout cela m'aura. Je vais te dire ce que tu n'as pas envie d'entendre, je sais. Mais même si tu penses que c'est insurmontable, essaie de tourner la page, de passer à autre chose. Car la vie est un long combat et tout ne peut pas toujours être rose. Des fois, il est préférable d'un véritable reste du passé. Car quand un vase se casse, vaut mieux le jeter que de le recoller. Il restera des fêlures et même si parfois c'est dur, pense à ton petit bout de chou et ton futur. Tu me dis, yes, tu sais.